Maintenant, c'est à vous. Now it's your turn. Try asking if there's a supermarket. Un supermarché. Near here. Now repeat the question after you hear it again. Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici? Now ask if there's a baker's, une boulangerie, around here. Est-ce qu'il y a une boulangerie par ici? Et répétez. Now ask if there's a bank, une banque, near here. Est-ce qu'il y a une banque près d'ici? Et répétez. Now ask if there's a telephone. Un téléphone. Around here. Est-ce qu'il y a un téléphone par ici? Et répétez. And finally, ask if there's a post office. Un bureau de poste. Near here. Est-ce qu'il y a un bureau de poste près d'ici? Et répétez. How did you get on? If you had any problems with the question, est-ce qu'il y a? Take some time now to go through this section again. But if it was just the new words and phrases, boulangerie, poste, supermarché, and so on that you didn't quite master, don't worry. You'll be using them a lot more in the coming units.